J'oublierai pas ton tour de taille. Baby, bye bye. Et ton accent ricain canaille. Baby, bye bye. Porte five, t'attends ton fly. Pas tant.